الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا في دراسة كتاب المورد لعذب الزلال للشيخ العلامة الشيخ النجمي حفظه الله تعالى، ونحن في الباب الثامن، وهو في بيان مساوئ الحزبية. وقفنا عند المأخذ الخامس عن الحزبية. دونك نسوم توجور dans l'étude de ce livre, la source délicieuse et abondante dans la critique de certaines croyances et de certains actes et de certaines voies dans le da'wa ila Allah Azza wa Jal de son éminence Cheikh Al-Najmi Hafidhahullah Ta'ala. Et nous sommes toujours dans le huitième chapitre, dont le titre est les choses néfastes qu'il y a dans la Hizbiya et le mal qu'il y a dans la Hizbiya. Et nous sommes arrivés au cinquième point néfaste chez les Hizbi. يقول حفظه الله تعالى خامسا: إن الحزبية تقوم على التسليم بآراء الجماعة وتوزيعها ونشرها وجعلها قطعية الثبوت غير قابلة للنقد ولا للنقاش، فالمؤسسون لها أجل من أن ينتقدوا وأكبر من أن يخطئوا في نظر أتباعهم أو أن يخطئوا في نظر أتباعهم، فيتخذونهم بذلك أربابا ومشرعين. وينطبق عليهم قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وفي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنق عدي صليب من فضة، وذلك حين قدم عليه أول قدمة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: فقلت إنهم لم يعبدوهم. قال: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وحلوا لهم الحرام، فتلك عبادتهم إياهم. Donc le cinquième point parmi les points néfastes chez Hizbiya, c'est qu'il s'accomplit sur la soumission totale aux avis du groupe, et il s'acharne à propager les avis et les fondements du groupe. Ils font de ces avis des principes fondamentaux du groupe des choses qui sont irréfutables, qu'il ne faut pas revenir, des choses qu'on ne doit pas critiquer, qu'on ne doit pas remettre en question. Car les fondateurs du groupe, dont les Hizb, sont au-dessus de toute critique. Et ils sont loin de l'erreur. Et dans la vision des disciples, de leurs disciples, ils ne peuvent pas tomber dans l'erreur. Et dans ces cas-là, ils les ont pris comme des divinités qui leur laissaient faire. Et dans ces cas-là, ils vont de pair avec cette parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat Touba qui dit: ils ont pris leur rabbin et leur mystique, des divinités en dehors d'Allah Azza wa Jal, ainsi que le Messie ibn Maryam. Il leur a été ordonné d'adorer un seul Dieu, à Allah uniquement, car il n'est digne d'être adoré que lui. Gloire à lui, et il est au-dessus d'eux, des associés qui lui font. Et dans le hadith de Uday ibn Hatim, Allah subhanahu wa ta'ala l'agré, quand il est rentré la première fois chez le prophète alayhi salam, il avait un, comment on l'appelle, une croix en argent à son cou. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lisait ce verset: ils ont pris leur rabbin, leur curé, leur rabbin et leur mystique en tant que divinité en dehors d'Allah. Et Uday lui a dit: mais ils ne les adorent pas. Il a dit: certes, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit: si, ils les adorent. Leur adoration, c'est quand ils leur ont décrété que cette chose est halal alors qu'il est haram, ils l'ont prise pour halal, ou alors que cette chose il est haram, il est halal alors qu'il est haram, ou l'inverse, et qu'ils ont pris leur parole, ils l'ont suivi, ça c'est leur adoration. Fa mimma la shakka fih anna tiba' a'immat ad-dalal والرموز في المناهج المنحرفة هو الذي يضل الشباب. كثير من الشباب اليوم على المذهب والطريق الإخواني والتبليغي أو الياسيني أو القطبي أو التكفيري أو الجهادي أو الطلائعي، ما يسمعون لأهل العلم أبدا وطلابه السلفيين، لأنهم يتبعون القادة ويحسنون الظن في القادة وكبار المشايخ، لأنهم عندهم مشايخ، ما يقبلون كلام أهل العلم. شعارهم: أنا من غزية وإن غوت. ما عليه المهم أنه مع الشيخ فلان أو الدكتور فلان وهذا أو المحاضر فلان، فإنه يقبل ما يقبل أن يخالفه أو أن يتخلف عنه. ولكن أنا في اتباع هذا الشيخ وهذا الدكتور مخالفة لكتاب الله ولصحيح سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وما يقبل أن يتخلف عن منهج فلان تقليد أعمى، وهذا أساس الضلال عند كثير من الشباب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو كان دوت كل ديسيبل دي حزب سيف لزمام دو لغارمون دو سي حزب et les emblèmes de ses voix. Hein? Et ça, c'est évident. Ils les suivent, un suivi aveugle. Ils font d'eux des personnes qui ne peuvent pas tomber dans l'erreur, et donc il n'y a aucun doute que la jeunesse se perd dans ces cas-là. Et s'égare. Et aujourd'hui, l'égarement de nos jeunes, sa cause principale, c'est ceci. C'est qu'ils sont dans la voie d'El Ikhwan, ou là dans la voie d'El Tbligh, ولا شي الياسينيت ولا شي القطبيت ولا شي السروريه ولا شي الياسينيت ولا شي الطلائع التوسا توسي غروب لا اكزيست افيك توا ايسي اون اوروب طلائع اون المان ها لا فيل برينسيبال سي اخن ها حزب التحرير سون تور دو توا ايسي بروكسل تبليغ سي ها سي تين غونغرين كي اي ها سي تين ها اون تاش اون غال qui est propagé à travers le monde et à travers l'Europe et à travers hein, les pays arabes et un peu partout. L'Ikhwan, c'est la même chose. Et les disciples de ce genre de groupe n'écoutent pas les hommes de science. Les hommes de science qui suivent la voie du puiseur dans l'ennemi, ils ne leur donnent pas d'importance. Les demandeurs de science salafis, ils ne leur donnent pas d'importance. Pourquoi? Parce qu'ils suivent aveuglément les leaders de ces groupes. Et parce que ils supposent le bien sur ces leaders, ils croient que ces gens-là sont bien. Et parce qu'ils croient que c'est mashayikh, parce que l'égarement a chez mashayikh aussi, et l'égarement a aussi ses imams, hein, ils croient qu'ils sont bien et qu'ils ne peuvent pas tomber dans l'erreur. Et partant de là, ce sectarisme et ce suivi aveugle a fait d'eux qu'ils rejettent la parole des hommes de science. Et leur emblème dans tout ça, je suis de la tribu de Rouzaïa, même si Rouzaïa s'égare, je reste Rouzaïa. Je reste avec Rouzaïa. Je suis avec البنا وافيك الهضيبي ولا افيك الياس ولا افيك انعام الحسن tout ça ce sont des têtes hein même s'ils sont égarés je suis avec eux point final ça s'arrête là c'est une chèvre même s'ils volent dans le ciel il la voit voler dans le ciel dit c'est une chèvre c'est ça l'aveuglement c'est ça c'est à ce point là que nous amène le sectarisme Il n'accepte pas d'être en divergence avec tel docteur, parce que c'est l'emblème de Jama'at al-Ikhwan. Il n'accepte pas d'être en divergence avec tel conteur d'histoire, parce que c'est un des emblèmes de Jama'at al-Tabligh. Et ainsi de suite. Et il n'accepte pas de sortir de la voie de ces gens-là, tout simplement, parce que c'est ainsi qu'il a été éduqué. Et ça, c'est le suivi aveugle. Et ce sujet aveugle, c'est la base de l'égarement de beaucoup de jeunes. Sallallahu subhanahu wa ta'ala salam wa l'afir. Wa yakulu shaykh hafidhahullahu ta'ala wa laqad khabarna ashab al-hizbiyyat khibrata tajribatin wa ma'rifatin liwaqi'ihim bisabab ihtikakina bihim fawajadnahum ya'khuduna ma ja'a min qadati hizbihim wa mu'assisih والمنظرين فيه بمنظار الحصانة عن النقد ولو انتقد أحد من خارج حزبهم عادوه وجعلوا نقده ظلما وتجنيا حتى ولو كان نقدا في الصميم وأذكر بهذه المناسبة أنه لما انتشر كتاب وقفات مع كتاب للدعاة فقط لمحمد بن سيف العجمي حفظه الله تعالى وهذا رد على كتاب للدعاة فقط ألفه جاسم المهلل وهو شيخ من شيوخ الإخوان في المفلسين في الكويت وهو معروف وألف هذا الكتاب طبعا دفاعا عن منهج الإخوان المفلسين وذكر أباطيل فيه فقام الشيخ محمد بن سيف العجمي حفظه الله تعالى ورد على كتابه ببيان ما فيه من أخطاء وأباطيل ومن أخطائه وأباطيله دفاعه عن الإخوان المفلسين بالباطل وهذه الرسالة وقفات مع كتاب للدعاة فقد سنقف عليها إن شاء الله ونتدارسها إن بقي إن كنا أحياء إن شاء الله وإن وفقنا الله سبحانه وتعالى لذلك وفي رسالة هذه بيّن أخطاء البنا وأخطاء رموز الإخوان كلهم ونصح للشباب ونصح لشباب هذه الأمة وللمسلمين عامة فالكتاب الأول للدعاة فقد تلقاه الإخوان بالقبول والكتاب الثاني حاربوه دونك الشيخ النجمي حفظه الله تعالى دونودير Par expérience, il a connu le sectarisme et les gens du sectarisme. Parce qu'il les a côtoyés. Il a eu des débats avec eux. Il a vu la réalité de leur vie, leurs actes. Il a dit, par expérience et parce que l'étude que nous avons fait d'eux et par notre, le fait de les avoir côtoyés de très très près, nous avons vu qu'ils prennent tous aveuglément les ordres qui leur viennent de leurs leaders et des fondateurs de leur groupe et de leurs théoriciens. Ils prennent leurs paroles et leurs théories, comme quoi cette parole et cette théorie et ces règles sont épargnées de l'erreur, il ne peut pas y avoir d'erreur dedans. Et c'est, il arrive à quelqu'un de les critiquer et de critiquer leurs théories et leurs règles, etc., et leurs leaders, il lui déclare la guerre à travers toute la planète. Il le défigure. Même si sa critique correspond à la parole d'Allah, Azza wa Jalla, l'authentique de la sunna du prophète, peu importe. Et cher de dire, je me rappelle ici à cette occasion, quand il y a eu le livre, il y a eu la propagation du livre, des haltes avec le livre, qui s'intitule « Les Du'ati Faqat » de Mohamed ibn Saif al-Ajmi. هذا لو ليفغ وقفات مع كتاب للدعاة ديالت افيك لو ليفغ كي ايتي كري بوغ الدعاة فقط كتاب للدعاة فقط لو ليفغ بوغ للدعاة سولمو ايتي كري باغ لون دي غروند تيت ديال الاخوان كي المهلهلو الكويت كي تون تيت كون لان دي غرون شيوخ ديالهم اكتويلمون دون سو ليفغ إلا ديفوندي المنهج ديال الاخوان Et il s'est conforté dans le faux qu'il y a chez l'Ikhwan, il les a défendus. Et Cheikh Mohamed ibn Saif al-Ajmi lui a répliqué. Une réplique conformément à la parole d'Allah et à l'authentique de la prophète, avec les preuves à l'appui, en citant ses paroles et le faux et le blâmable qu'il y a dans ses paroles. Et en citant tout ce qu'il y a à reprocher à l'Ikhwan al-Muflisoun et à leur tête. Et aux leaders de l'Ikhwan Muflisoun et à leurs théoriciens. Inch'Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala nous le permet, nous allons étudier cette risala, parce qu'il est très intéressant. Il y a des choses qui vont compléter notre étude du livre de Cheikh Najmi Hafidhahullah ta'ala. Mais évidemment, comme le premier livre, il est écrit par le Muhalhal, qui est une des têtes des Ikhwan du Koweït, il a été accepté, il a été propagé. Et quand il y a eu la réplique du Cheikh Saif al-Ajmi, Hafidhahullah ta'ala, on lui a fait la guerre. On lui a fait la guerre. On a empêché les jeunes de le lire. Et ce Cheikh, il va nous raconter une histoire qu'il a eue avec cette risale et avec des élèves à lui qui se sont fait avoir par la voix de l'Ikhwan. Imagine-toi, élève de Cheikh al-Najmi, se fait avoir, qu'est-ce qu'il en est de moi et toi, que nous n'avons pas de Cheikh, une éminence comme Cheikh Najmi comme professeur. Qu'est-ce qu'elle advient de nous? Alors que jour et nuit, on entend que l'un de nos frères, il a été dîner avec un certain groupe de frères parce qu'il a encore, frères musulmans, parce qu'il a encore des affinités avec eux. On entend celui-là qu'il a fait des soirées jeux avec des frères d'Yel Tablir parce que c'est des copains d'enfance, etc. Où tu viens? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Hada qu'il te ramène des ambiguïtés de son groupe, il va te les claquer dans ta soirée jeu. Et d'abord, est-ce que tu as du temps, toi, en tant que salafi, à perdre sur les PlayStation et... Adhan Billah. Qu'est-ce que ça veut dire? Et des fois, on m'a raconté que il reste, Hada, il se dit salafi. Sallallahu subhanahu wa ta'ala qu'il soit ainsi. Et donc ils sont établis, et ils restent jusqu'à, des fois avant le farj, quelques minutes avant le farj, et c'est à ce moment-là qu'ils s'endorment. Mais je veux que tu médites cette histoire, maintenant. Des gens qui sont devant Cheikh, qui ont été devant un homme de science, un muhaddith, qui est Cheikh Najmi Hafidhahullah ta'ala, sont tombés dans le filet de l'Ikhwan Muslimin, qu'est-ce qu'il en est de moi et de toi que nous n'avons même pas un cheikh qui arrive à la cheville d'yal, cheikh Najmi Hafidhahullah ta'ala. De là, l'énormité de certains de nos frères. Et oui, mais c'est mon frère, il est gentil. Yahal Islam. On ne te dit pas qu'il n'est pas gentil. Mais on te dit qu'il faut que tu te préserves, toi. Il faut que tu t'éloignes de lui pour te préserver. T'as pas d'immunité. T'as pas de bagage scientifique pour refuter ses ambiguïtés. Où tu vas? Sauve ta peau. Sauve ton cœur qu'il ne devient pas une toile d'araignée d'ambiguïté duquel tu ne peux plus t'en débarrasser. Enfin, écoute bien, Akhal Islam, cette histoire. Il dit le Cheikh Najmi Hafidhahullah, Akhattu nuskhatan minhu wa a'taytuha li wahidin min al-muntamin ila jama'ati al-ikhwan raja'an yata'attara bih. ويرى ما فيه من نقد للاتجاه الإخواني مدعما بأرقام من كتبهم ولما ناولته علقت عليه تعليقة بسيطة مثنيا على صاحب الكتاب أنه بذل جهدا في تتبع أخطاء الإخوان من كتبهم وبالأخص الأخطاء في العقيدة مبينا اسم الكتاب الذي وردت فيه ورقم الصفحة لكن الرجل عبس وبصر وقلب في النظر مستغربا للأمر الذي بدر وأخذ يحاورني في المنهج الإخواني قليلا ثم ذهب. Donc, cher, de nous dire. J'ai pris cette risala qui est une réplique à la voix de l'Ikhwan et une réplique à la risala de l'Mualal, dans laquelle il fait la réplique à ce grand Ikhwani. Il a dit, j'ai pris une parmi ces risala et je l'ai donnée à un qui appartient, qui est adepte à Jamaat l'Ikhwan al-Muflisin. N'espérons qu'il va être influencé par cette risala, que ça va attirer son attention sur les erreurs qu'il y a. Et il a dit, je ne fais que tout simplement commettre un certain commentaire en faisant les éloges de celui qui a écrit. Et en disant comme quoi, Saif al-Ajmi, hafidhahullah ta'ala, a fait beaucoup d'efforts pour sortir les erreurs d'Al-Ikhwan de leur livre. Et de citer la page et l'édition. Mais il a dit, celui à qui j'ai donné la risala, tout d'un coup, son regard a changé. Il s'est crispé au niveau de son regard. Ça lui a pas plu. Il a tourné son regard et après il a commencé. Il a trouvé cette situation bizarre. Et il a commencé à débattre avec Cheikh sur la voix de l'Ikhwan un petit peu. Et Cheikh de nous dire, ويقول الشيخ حفظه الله وبعض بضع سنوات ظهر كتاب جلسات لجاسم المهلال فوصلت إلي نسخة منه فقرأتها متأملا ومستغربا هل سيرد على العجم شيئا من ذلك الكلام وتلك الأرقام ويكذبه فيه ولكن بعد أن قرأت كتاب جلسات من فاتحة إلى خاتمته لم أره رد شيئا من الحقائق التي ساقها محمد بن سيف العجمي جزاه الله خيرا. الشيخ de nous dire, et quelques années après, il y a eu un autre livre d'El Muhalhal qui est apparu qui s'appelle Jalassat, déjà 6. Jalassim El Muhalhal. Il a dit, une copie m'est arrivée entre les mains, et je l'ai lu du début jusqu'à la fin, en essayant de voir est-ce que El Muhalhal, il va répliquer, ou là, il va revenir sur ses erreurs, ou là, il va répliquer avec des preuves à Mohamed ibn Saif al-Ajmi, qui a relaté les réalités de Jamaat al-Ikhwan et de leur leader, de leur livre. Et il a dit, rien de tout ça n'est arrivé. وبعد ذلك لقيت صاحبي الذي شمخر من كتاب وقفات لكونه نقض رؤساؤهم فيه فيما كتبوا وبيده بضع نسخ من كتاب جلسات يوزعها فناولني نسخة منها وهو يضحك فرحا وسرورا يكاد يطير فرحا وظن أنها لم تصلني وحسب أنهم انتصروا على العجم فقلت في نفسي قاتل الله الجهل. Et il a dit, après ça, il a rencontré son ami, à qui il a donné la risala, la réplique du Cheikh Al-Ajmi, qui n'était pas content de cette risala. Et parce que la risala critiquait évidemment leurs têtes et leurs emblèmes, dans ce qu'ils ont écrit, etc. Et il avait dans la main beaucoup de copies de Jalassat d'El Muhalhal. Il le distribuait. Hada, il le distribue. L'autre qui l'a eu dans la main, il s'est crispé. Il s'est mis en colère. Mais Hada, qui est écrit par leur leader, le Muhalhal, il le distribue. Croyant que Cheikh Najmi n'a pas reçu une copie, il lui a donné, tout en se réjouissant. Et Cheikh de dire, il allait s'envoler de joie quand il m'a donné le livre, croyant qu'ils ont eu le dessus sur Cheikh Najmi, hafidhahullah ta'ala. Et Cheikh en lui-même, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala tue l'ignorance. Yaqul le Cheikh, هذا وانا لا اعرف العجمي ولا المهلل ولكني عرفت الحق والحمد لله. Et maintenant, tout ça, Cheikh, il attire ton attention. Parce que la question, c'est pas s'attacher à quelqu'un. Il dit alors que je ne connais ni l'ajmi, ni le muhalhal. Mais il dit, la louange revient à Allah Azza wa Jal, je connais la vérité. Mais la louange revient à Allah Azza wa Jal, je ne connais que la vérité. Et donc, la vérité lui a fait que, il s'est penché vers les paroles qui sont avec leurs preuves dans le livre d'El Ajmi, ce qui est tout à fait normal. On tourne vers la vérité là où il tourne. Connaissons la personne, là nous ne la connaissons pas. Peu importe, la vérité restera sur la vérité. Restera toujours la vérité. Il le faut, s'il le faut. Yaqul, الآن، وقد أخبرني رئيسه فيما بعد، لأن الإخوان عندهم رؤساء، تنظيم رئاسة ورؤساء، أمراء، رؤساء، رؤساء الجامعة، رؤساء الحي، رؤساء المدينة، وأنت هلم جرة، تنظيم وسط تنظيم الدولة. قل وقد أخبرني رئيسه فيما بعد ولم يسمه، فقال أعطيت أحد الإخوان نسخة من كتاب وقفات فجاء بها إلي وقال هذا الكتاب أعطاني فلان ولم أقرأه، وأؤكد أن الرئيس والمرؤوس كلاهما من طلابي. فبدل أن يأخذوا كتاب العجم والمهلهل ويأتون بهما إلي ويستشيروني فيهما بدلا من هذا، وقفوا من كتاب العجم موقف العداء لأول مرة، وأخذوا كتاب المهلهل على أنه الحق الذي لا شك فيه، وإذا نظرنا في السبب الحامل لهم على ذلك لا نجد شيئا سوى أن المهلهل، أي هذا المهلهل، يتخاطب معهم من داخل الحزب ومن دائرة الحزب، وذلك العجمي حفظه الله يتخاطب معهم من خارجها، وما جاء من داخل الحزب فهو الحق عندهم الذي لا شك فيه، يجب أن نغمض أعيننا ونأخذه كما نأخذ الدواء معتقدين فيه النفع، على أن الحزبية شر وأي شر، وهذا معتقدين فيه النفع، وإن كان مرا فالحزبية تجعل المر حلوا والباطل حقا، وهذا أكبر دليل على أن الحزبية شر وأي شر. وقل مثل هذا أخ الإسلام في التبليغ وفي الياسينيين والطلائع وغيرهم ممن انحرفوا عن منهج السلف، كل ما أتى من الداخل فهو الحق، وكل ما أتى من الخارج فهو الباطل. يلدي حفظه الله تعالى après son président ما il n'a pas cité le nom du président. Et sache que les Ikhwan, ils ont du président. Président, hein, de tel groupe ici, président là, amir de l'université ici, ainsi de suite. Humal, Yassinit, etc. Tous, ils ont des Omara partout. Une organisation à l'intérieur de l'organisation de l'État. Hein? Une organisation à l'intérieur de l'État. Un État dans l'État. Subhanallah. J'ai déjà, c'est un mal en soi. Et son président, le président de ce, et tous les deux, le président et son disciple, c'est des élèves à Cheikh Najmi, hamidallahu ta'ala, les deux. Il a dit, tu lui as donné un livre waqafat de Cheikh Najmi à l'un des frères. À l'un des frères, dit l'Ikhwan Muflisun. Et ce frère est arrivé vers moi, il est venu vers moi, il m'a donné le livre, il m'a dit, Cheikh Najmi m'a donné ce livre. Mais je te confirme, je ne l'ai pas lu. Et les deux sont des élèves, que ce soit le président ou le disciple, ce sont des élèves à Cheikh Najmi. Au lieu de prendre le livre, d'Yel Najmi, d'Yel Muhalhal, qui est pour l'Ikhwan, dans lequel il y a des calamités, et le livre d'Yel Ajmi, qui est une critique, hein, et qu'il prenne les deux livres, qu'il vient chez leur shir, et qu'il demande des éclaircissements, il se concerte avec le shir. Au lieu d'agir ainsi, ils ont pris ce sommet en position d'ennemi vis-à-vis de la risala d'El Cheikh Najmi. Tout simplement, ils ont pris position. Promis-le, directement, sans lire le livre, sans rien du tout. Et ils ont pris le livre d'El Muhalhal, comme quoi c'est une vérité, dans laquelle il n'y a pas de doute, alors qu'elle est pleine d'erreurs. Ils confirment les gens dans le faux d'El Jama'at l'Ikhwan Muflisoun. Mais s'ils voient, ils disent, si on voit la cause qui les a amenés à ça, c'est parce que tout simplement, Muhalhal, il parle de l'intérieur du groupe, du parti. Et donc, tout ce qui vient de l'intérieur, même si c'est faux, on le prend pour du vrai. Et l'Ajmi, il parle de l'extérieur. Et tout ce qui vient de l'extérieur, c'est faux. Ce qui vient de l'intérieur, c'est le vrai. Et nous devons fermer les yeux et le prendre une mort dessus avec nos molaires. Point final. C'est comme ça que ça doit être. Et nous devons le prendre comme un médicament. Croyons que ça va nous guérir et qu'il y a du bien dedans. C'est ainsi le sectarisme. Il fait que ce qui est amer soit doux et sucré. Il fait de l'amer du sucre et du sucre de l'amer. Et ça, c'est l'une des grandes épreuves, les grandes preuves comme quoi le sectarisme est un danger, est un grand mal, est une gangrène. Et ceci, tout simplement, ce n'est pas l'exemple de Jamaat al-Ikhwan al-Muflisoun. Tu peux dire la même chose de Jamaat Tablir, ce qui vient d'Ilyas, et qui vient de Hassan ibn Abdel, ou qui vient de leur conteur d'histoire à Paris, à Younes et autres. Hada, c'est la vérité, on ne doit pas bouger de cette vérité. Tu peux dire la même chose d'Yassinites, qui viennent de Abdeslam Yassine, on ne peut pas bouger. Ils viennent de leur regragui et autres, parmi leurs emblèmes. On doit, c'est la vérité. Ce qui vient de Tala'ir, Itam al-Assar, Isam al-Attar et autres, de Arkan, c'est la vérité, on ne doit pas, on doit la prendre comme vérité. Et ça, c'est la position de tous ceux qui ont dévié de la voie du puiseur, d'Allah alayhi. Alors que la voie du puiseur veut que la vérité soit la vérité, et non pas les principes fondamentaux du groupe ni les hommes qui font que la vérité soit une vérité. Là, loin de là. Fa kitab li du'at faqat hada li du'at faqat talaqqa'u al-ikhwan bil-qabul ووقفات مع كتاب للدعاة حاربوه وجلسات للمهلهل قبلوه ولكن الإخوان مفلسون هكذا يفعلون. ويقول الشيخ أبو مالك الجهني في ينبع حفظه الله تعالى أنه بلغه ويقول والله أعلم بصحة هذا أن جاسم المهلهل نفسه لما ذكر له كتاب العجم قال أريق عليه سجلا من ماء. يقول الشيخ أبو مالك يا مهلهل هذا الكتاب فيه الحق وفيه النصيحة لك أنت أولا قبل شباب الإخوان المفلسين وهذا هو جوابك للنصيحة أريق عليه سجلا من ماء وهل هو بول أعرابي؟ انظروا إلى السخرية والازدراء والاستخفاف بالحق وأهله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإخوان المفلسون يقفون دائما مع من يقف معهم ومع من ينصرهم وينصر أباطيلهم ولو كان من أنصح الناس. موقف عجيب. ولو كان من أبطل الناس ويخذلون أنهم يقفون وينصرون من ينصر أباطيلهم ولو كان من أبطل الناس وأجهل الناس ويخذلون ويردون على من انتقدهم ورد عليهم ونصح لهم ولو كان من أنصح الناس. موقف عجيب وغريب والله المستعان. وأنت سمعت هذه القصة للشيخ النجمي كيف مع تلاميذه وطلابه. دونك هذا لو ليفر دون تا بارلي الشيخ كي وقفات للدعاة سا سي تان ليفر كي يكري دو لانتيغيور بار المهلهل. Des haltes avec le livre Les Du'at Faqat, ça c'est la critique. Jalassat, c'est un autre livre qui confirme la Jama'a dans ses erreurs. Et qui confirme les uns. Ils sont de l'Muhalhal. L'Muhalhal, il est de l'intérieur. C'est l'une des têtes, l'un des emblèmes de l'Ikhwan du Koweït. Son livre a été accepté, comme tu as entendu. Le livre d'Yel Ajmi qui est une critique, appuyé sur la preuve, il a été refuté, on lui a déclaré la guerre. Et Cheikh Abou Malik al-Juhani, Ayan Bou', dit que, il a entendu, on lui a rapporté comme quoi, et il dit, sauf Allah, subhanahu wa ta'ala, connaît la validité, la véracité de cette histoire. Que le Jassim al-Muhallal, qui est l'une des têtes des Ikhwan, qui a écrit ce livre, qui a reçu la réplique d'Yel Ajmi, quand il a entendu, quand on lui a parlé du livre d'Yel Ajmi, qui est une critique, une réfutation de ce qu'a écrit le mot halal, il a dit verser dessus un seau d'eau. Comme si c'est une impureté. Abu Malik lui dit, Ya Muhalhal, dans ce livre, il y a la vérité. Et c'est un conseil pour toi avant que ce soit un conseil pour l'Ikhwa al-Muflisoun. C'est comme ça que tu reçois la vérité. C'est comme ça que tu accueilles la vérité. C'est quoi cette moquerie? Il dit, regarde, comment ils se moquent de la vérité et des gens de la vérité. La hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwan al-muflisoun. Et tous les sectaires de la terre, toujours leur position avec ceux qui les font triompher, ils les font triompher. Même si ces gens-là sont dans le faux, il n'y a pas de problème, ils les font triompher. Et ils déclarent la guerre, ils refutent tous ceux qui les critiquent, même s'ils sont dans le vrai. Et ceux qui les conseillent, même s'ils le font avec la vérité. Ils les critiquent, ils leur font la guerre. C'est à travers la planète entière. En Europe, en Amérique, hein? Partout. Tu vois? La guerre que font les frères musulmans à notre frère Haïti au Canada. Énorme. Tout simplement parce que il a répliqué, il a montré les erreurs d'Yel al-Qardawi. Et il en est de même quand il réplique à Tariq Ramadan, comment ils l'ont. Parce qu'ils n'aiment pas qu'on touche à leur tête. Leurs têtes sont épargnées de l'erreur, sont maçonnes. Et nous, on sait que dans notre religion, ce qui est maçon, ce qui ne tombe pas dans l'erreur, ce sont les prophètes, alayhi sallatou salam. Hein? Et en dehors des prophètes, alayhi sallatou salam, tout un être humain commet des erreurs. Mais ça, c'est le sectarisme. Ça, c'est l'aveuglement vers lequel amène le sectarisme. Amène à des limites. Vous avez entendu maintenant des étudiants à Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala. Ils ont étudié chez lui. Il a un bienfait sur eux. Il les a éduqués. Il leur a appris. Et malgré tout, voilà, ils se sont retournés contre lui pour les idées d'un groupe qui sont fausses. C'est au moins ils se sont retournés contre lui pour une vérité, mais là pour le faux. Mais c'est ça le sectarisme à l'islam. C'est vers ça qu'il nous amène. وليعلم الذين يقولون إن الإخوانيون الإخوانيين في المملكة غير الإخوانيين في مصر والشام وغيرهما لأن هؤلاء في المملكة درسوا التوحيد في المدارس والمعاهد والكليات منذ نعومة أظفارهم وإلى أن تخرجوا وقد كنا يقول الشيخ وقد كنا نصدق هذا الكلام إلى حد كبير ونقول إن الذين غدوا بالتوحيد من الصغر لا يمكن أن يفرطوا فيهما ما كان الأمر ولكن لما رأينا موقف الإخوانيين من كتاب الوقفات الذي جمعه صاحبه من بطون كتب الإخوان غيرة على التوحيد وغيرة على الدعوة أن يتبناها من هو غارق في الشركيات والبدعيات ويغتر الناس به نظن ظنا يشبه اليقين أن هذه هي الدوافع إلى ما كتب وبدلا من أن يشكره ما كتب وبدلا من أن يشكره هؤلاء الموحدون ويثنوا عليه بعمله العظيم وجهده المطني من أجل بيان الحق بدلا من ذلك تنكروا له وأبغضوا حتى من وزع كتابه وإن كان له عليهم حق الأستاذية والمربي فحسبنا الله ونعم الوكيل الشيخ دونزير qu'il sache ce qu'ils disent que les frères musulmans par exemple en Arabie Saoudite sont autres que les frères musulmans en Égypte ou au Cham et autres pays. Pourquoi? Parce que ceux qui sont, ils disent, parce que ceux qui sont nés en l'Ikhwan, en Arabie Saoudite, ont étudié dans les écoles, dans les instituts, dans les universités, depuis qu'ils sont jeunes, depuis qu'ils sont petits, le monothéisme, jusqu'à ce qu'ils aient leur diplôme. Et Cheikh dit, ceci, nous le prenions comme véridique, plusieurs années et pendant beaucoup de temps, nous l'avons pris comme véridique. Et nous disions que ceux qui ont été nourris par le monothéisme depuis qu'ils sont jeunes, ils ne peuvent pas négliger le monothéisme. Ils ne peuvent pas le laisser tomber. Mais il a dit que nous avons vu la position des frères musulmans, la position qu'ils ont eue vis-à-vis du livre de l'Ajmi, position halte avec le livre d'Al Du'at seulement, qui est une réplique à l'Ikhwan al-Muslimoun. Ce livre, celui qui l'a écrit, qui est l'Ajmi Hafidhahullah Ta'ala, s'est penché sur les livres d'Al Ikhwan par jalousie pour le monothéisme et par enthousiasme pour le monothéisme et pour la da'wah ilallah, que la da'wah ne soit pas, que les leaders de la da'wah ne soient pas des gens qui baignent dans l'associationnisme et dans les innovations, et que les gens ne se fassent pas avoir par ces emblèmes qui baignent dans l'associationnisme et dans l'innovation. Et il a mis beaucoup d'efforts pour écrire ce livre et cette réplique. Au lieu que les unificateurs et les monothéistes le remercient et qu'ils lui fassent des éloges pour l'acte et pour le travail colossal qu'il a fait pour montrer la vérité et faire des éclaircissements sur la vérité, en dehors de tout ça, ils se sont mis en ennemis à lui. Et ils ont même détesté ceux qui ont distribué son livre. En l'occurrence, c'est ce qui a distribué son livre. Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala, alors qu'il était leur prof, il a des droits sur eux. Regarde comment ils se sont retournés. Hadat, il peut dire la même chose. Les adeptes de l'EIF, qui sont un mélange d'Al Ikhwan, qui est l'union des associations des musulmans de France, c'est une organisation d'Al Ikhwan. Faut en comble. La même chose. Ils sont gérés par la même chose. Ils prennent leur source la même. C'est le Banna, c'est le Hudaybi, c'est le Msamani, c'est Qutb, etc. Qu'ils soient en Égypte, qu'ils soient au Cham, qu'ils soient au Maroc, qu'ils soient n'importe où ils soient, en Europe, aux États-Unis, partout c'est la même chose, leur source est identique. La jeunesse musulmane de France, etc. Est-ce que vous avez ici à Bruxelles, si vous avez une organisation qui s'appelle les jeunes musulmans de Belgique ou autre, la même chose. C'est les mêmes racines, ils pissent dans les mêmes ressources. Leurs sources sont identiques. Il ne faut pas se leurrer. Pas dire que Hadou, ils sont différents de Hadou. Là, ils se rendent compte parce que leur source est identique. فهذا معناه أنهم يتنكرون للحق حتى الذي يوزع هذا الكتاب تنكروا له وأبغضوه وحذروا منه وهذا الشيخ النجمي شيخهم وأستاذهم ومربيهم تنكروا له وردوا عليه وأبغضوه ولعلهم تركوا مجلسه ودروسه من أجل هذا الكتاب هذا والله هو الجهل هذا هو الهوى هذا هو التعصب الأعمى وهذه هي الحمية الجاهلية. Cela veut dire, cela, on rejetait la vérité et on met de côté la vérité. Ils se sont mis contre ceux qui ont distribué ce livre dans lequel il y a la vérité. Ils ont averti contre Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala, alors que c'était leur cheikh, c'était leur prof. Il a des droits sur eux. C'était leur éducateur. Ils ont pris une position contre lui. Ils ont averti contre ses assises. Et peut-être qu'ils ne sont plus revenus à ses cours. Pourquoi? Pour ce livre. Et ça, par Allah, c'est l'ignorance. Ça, par Allah, c'est le fait de suivre ses passions. Ça, par Allah, c'est le sectarisme aveugle. Et ça, par Allah, c'est le sectarisme d'Yel, d'Yel Jel, d'Yel l'ignorance. Et c'est vers ça que ça amène. Et ça ne rapporte aucun bien. كذلك وقع مع كتاب القطبية لما ظهر وفيه رد علمي على رؤوس السرورية والقطبية ماذا كان موقفهم من كتاب القطبية نفس الشيء كان كالموقف الذي حكاه الآن لنا الشيخ أحمد النجمي حفظه الله تعالى في هذه الفقرة وأخذوا يشيعون الإشاعات ويكذبون على صاحب الكتاب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تعصب أعمى مقيت. Il en est de même pour le livre, un livre qui s'intitule Le Qutbiyya. Quand ce livre a apparu, il divulgue un petit peu, il réplique aux têtes d'Yal Qutbiyya. À notre époque, il y a les Sourouriens, il y a tous les Tkfiri, etc. C'est quoi leur position vis-à-vis de ce livre qui est intitulé Le Qutbiyya? Leur position était identique à la position qu'ils ont eue vis-à-vis du livre d'Yal, l'Ajmi. leur position était identique à ce que nous a conté Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala. Ils ont propagé du mensonge sur l'écrivain. Ils ont calomnié sur lui. Ils l'ont accusé d'être l'espion de je ne sais plus qui. Hein? Et d'être l'agent du Mossad. Etc. Mais ça c'est quoi? C'est le sectarisme aveugle qui amène à cette position-là. À ne pas accepter la vérité. Et à rejeter la vérité. Parce qu'il ne vient pas de soi. Il ne vient pas de l'intérieur du groupe. Hein? الحزبية تجعل الإنسان يمشي بدون بصيرة الحزبية تجعل من الإنسان إنسانا آليا يتحكم فيه Le sectarisme fait que l'être humain marche aveugle sans clairvoyance avec des œillères Le sectarisme fait que de l'être humain c'est un robot on le dirige avec une télécommande on l'oriente comme on veut Ainsi, il en est de la Hizbiya et du sectarisme. Et ainsi, il en est des adeptes de l'Ikhwan al-Muslimin. Ainsi, il en est de l'Yassinine. Ainsi, il en est de l'Qutbine. Ainsi, il en est de Tablighine et autres. On les commande, on les dirige, comme veulent les instances dirigeantes, et comme veulent les théoriciens de groupe. Et c'est la réalité. Il faut l'accepter comme ça. Il n'y a pas autre réalité que celle-ci. فالحزبية الله سبحانه وتعالى يصيب الحزب بالعمى هذا جزاء وفاقا على تعصبه وتركه للحق وإعراضه عن الحق وعن من يدعوه إليه وليكن في علمنا علم يقين أنه لا فرق بين إخواني سعودي ولا إخواني مغربي ولا إخواني مصري وحتى إخوان أوروبا وأمريكا فكلهم على نفس النمط ونفس الأصول أينما حلوا وارتحلوا الفرق الوحيد أن السعودي تربى على التوحيد والعقيدة والمصريون أكثرهم على ثقافة عامة أما من ولد في أوروبا وعاش فيها فهؤلاء ملقنون إلا الوافدين من البلدان الإسلامية كطلبة الجامعة لكن سبحان الله يتشابهون في مجال دعوتهم فدعوتهم كلهم مركزة على المثقفين وعلى الموظفين وعلى رجال التعليم والأوساط الجامعية وما إلى ذلك وكلهم في مشارق الأرض ومغاربها في الطرق الصوفية والأناشيد والتمثيليات وعندهم جميعا إلا من رحم ربك وقليل ما هم استخفاف بالعقيدة والسنة واستخفاف بأهل العلم وطلبة العلم وعندهم إغراق في التهييج والتكفير أشياء كثيرة تجمعهم كلها أصلها من الجماعة الأم بمصر فعندما تسمع أحد ممثلي مسلمي فرنسا من فوق منبره يقول أنا قرأت كتب البنا وكتب قطب فلم أجد فيها شيئا كيف تريد أن تجد فيها شيئا وأن تصلك درست علوم الاجتماع في فرنسا أنى لك ذلك من أين أتتك قواعد الدين من أين تأصلت في علم الدين ولكن هكذا الهوى وهكذا التصدر عندما يتصدر الإنسان لما يحسن يصل به إلى هذه الدرجة donc الله les sectaires الله سبحانه وتعالى les aveugles هذا par récompense au fait qu'ils sont sectaires au faux et parce qu'ils ont délaissé la vérité et parce qu'ils ont donné la vérité et parce que ils sont ennemis à ceux qui les appellent vers la vérité الله سبحانه وتعالى les aveugles Et qu'on le sache avec certitude, ils sont le moindre hésitation, qu'il n'y a aucune différence entre un Ikhwani en Arabie Saoudite, ou un Ikhwani marocain, ou égyptien, ou un Ikhwan qui est en Europe, ou un Ikhwan qui est en Asie, ou là qui est en Amérique. Ils sont tous dans le même moule, ils sont faits dans le même moule, leur base est la même. Là où ils sont, La base et le fondement sont les mêmes. La seule différence qu'il y a avec le frère musulman saoudien, c'est que celui-là, il est né sur le monothéisme depuis qu'il est petit. Contrairement aux autres. L'Égyptien, lui, il a une culture générale. Quant à ceux qui sont nés en Europe et qui sont en Europe, ceux-là, c'est des gens auxquels on a inculqué des choses. Sauf ceux qui sont venus des pays pour étudier ici, dans les universités. Hadou, il vient avec un bagage, qu'il soit marocain ou latinisé, etc. Il vient avec une certaine culture qu'ils ont ramenée avec eux de là-bas. Et en général, avec une aqidah ash'ariya, et avec des idées de Sayyid Qutb, et avec plein de choses comme ça. Mais, regarde, ils se ressemblent tous dans le champ de leur da'wah. Le champ de leur da'wah, il est basé sur les intellectuels et sur les fonctionnaires et les hauts de la société, médecins, profs, instituteurs et ainsi de suite. Et sur les étudiants au milieu universitaire, la da'wah d'Yal Ikhwan. D'Yal Yassini, la même chose, parce qu'il en découle du même. À l'est de la terre et à l'ouest de la terre, tous baignent dans les voies d'Yal Sophia. Tous baignent dans l'anachid et dans les théâtres, les pièces de théâtre et autres. Et tous appellent à l'alternatif cinéma musulman. Et quoi encore? La même adultère musulman, pourquoi pas? Tant que tu es. Cinéma musulman. Eh ouais. Tu veux que ta femme soit dans les bras d'un héros? Parce que comme dit leur docteur, je ne vois pas d'histoire sans, comment on les appelle? Sans actrice, comment on l'appelle, dit la principale? Sans vedette principale, comment vous l'appelez? Oui, le batala, ou le batal. Ben, akhi, ta femme, tu la vois, toi, dans les bras de le batal, le héros, il est ruine. Eh, tu vois ta femme en tant qu'héroïne dans les bras de l'héros du film? Subhanallah, où est-ce qu'on va? Alternatif. Quelle alternatif? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné autre chose plus que l'alternatif. Qala Allah, qala rasuluhu, qala sahabatu, hum ulul irfan. Allah, il nous a donné quelque chose de noble, qui ne change pas, qui ne se défigure pas, qui n'est pas un chameleon, qui est la parole d'Allah azza wa jal, l'authentique de la sunna du prophète alayhi salam, et la voix de nos puiseurs, d'Allah alim, qui sont sahaba, ils sont eux les hommes de science et les emblèmes de cette science, de cette religion. Faut qu'on se fasse pas avoir. Parce que tout change. Et achi, Allah, il t'a donné quelque chose de sûr, d'irréfutable, qui ne changera jamais jusqu'à la fin des temps. Pourquoi tu cherches une alternative? T'as quelque chose qui ne va pas. T'as quelque chose qui ne va pas. Allah, il t'a donné quelque chose. Pourquoi tu ne mords pas sur cette chose? Pourquoi tu vas chercher autre chose? Allah, il t'a agréé sa parole. Il t'a agréé l'authentique de la sunna du prophète. Il t'a agréé la voix de tes puiseurs dans l'âme. Qu'est-ce que tu cherches dans ce bas monde? L'agrément de Allah. Là, tu ne le trouveras pas dans l'alternative. Là, tu ne vas pas le trouver dans les pièces de théâtre, ni dans l'anachil, ni dans le cinéma, ni dans la mode, ni dans le social, ni dans la politique. Rien. Ou allô? Le bird, le hawa, tu vas trouver. Ne faire blâme maintenant. Le gonflement sans rien. De l'air. Et donc, à l'est de la terre et à l'ouest, les iguanes, ben dans le soufisme, ben dans le théâtre, ben dans le cinéma, les sorties à ne plus finir, et laisse tomber. Parce que sinon, on va dire encore que, et ils se moquent de la science. Ils se moquent des hommes de science. Ils ne donnent pas d'importance à l'aqidah. Ils ne donnent pas d'importance à la sunna. Ils négligent la sunna. Ils critiquent la sunna. Tu entends quelqu'un parmi eux du sur le manbar, il dit, attends ma sœur, tu es comme un corbeau. Subhanallah. Il lui dit, habille-toi avec du Chanel, là, avec Hada, Imin Egypte. Subhanallah. A'oudou billah. Bon, le hijab, que Allah subhanahu wa ta'ala a instauré, et qu'il a fait obligatoire dans maintes versets, Hada, il dit de lui qu'il traite la sœur de corbeau. A'oudou billah. De sur le manbar en plein vendredi. Où est-ce qu'on va? Quel respect nous avons des ordres d'Allah Azzawajal dans ce cas-là? Quel respect nous avons de l'authentique de la sunna de notre prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam? Fal-ikhwan al-muslimoun, leur base est identique. Leur point de départ, c'est le groupe mère d'Égypte. Une des têtes parmi les représentants du musulman de France. De sur son manbar, il dit, j'ai lu les livres de Al-Banna et de Sayyid Qutb, j'ai rien trouvé. Subhanallah, comment tu peux trouver? T'as été éduqué dans le social. T'as fait des études au niveau sociologique. T'as pas de règles. Et t'as pas appris la science de l'islam. Comment tu peux déceler quoi que ce soit? Il vient un étudiant, tout d'un coup, il maîtrise bien l'arabe, ils arrivent à traduire des trucs, on les met en avant. Ils sont jeunes, et après maintenant, ils ont 40 ans. Mais quand ils ont commencé, ils avaient 20 ans, 18 ans, 19 ans, maintenant ils ont 40 ans, 45 ans, 50 ans. On les met en avant, ils sont abus d'eux-mêmes. Plus de limites. On les appelle des imams. Et ils vont jusqu'à très loin. Ne téléphonez pas en Arabie Saoudite, ne téléphonez pas aux hommes de science, nous sommes ici. Qui êtes-vous d'abord? Qui vous a donné le poste? Vous l'avez pris vous-même. Hein? Vous vous constituez vous-même en tant que mufti, qu'éducateur, etc. Subhanallah. Là, c'est énorme. C'est énorme. Tu les entends sur les antennes de radio. Les savants doivent descendre de Neptune. Subhanallah, c'est toi qui dois descendre ton nuage. Ton nuage d'orgueil. Hein? Et les emblèmes chez l'Ikhwan, à l'est de la terre et à l'ouest de la terre, sont ceux qui sont en Égypte et qui sont au Cham, au nord, c'est-à-dire la Syrie et la Jordanie. فالرموز عند الإخوان في مشارق الأرض ومغاربها من هم في مصر والشام مع أن عند هؤلاء الرموز أخطاء في العقيدة فكيف يتخذونهم قادة ورموزا وأئمة وهم مشايخ الجماعة وعندهم طوام في العقيدة بل أخطاءهم خطيرة جدا جدا على الدين les emblèmes de l'Ikhwan à travers le monde entier à l'est de la terre et à l'ouest de la terre les emblèmes et les têtes d'affiche sont en Égypte, ils sont au Cham. Maintenant, il y en a quelques-uns maintenant au Qatar, il y a au Koweït, un petit peu partout. Maintenant. Mais l'essentiel, c'est l'Égypte et Cham. Jusqu'aux dernières décennies. On les prend comme emblème des groupes alors qu'ils ont des grandes erreurs dans l'Aqida. Comment on a quelqu'un qui est doué de raison, qui respecte la religion de l'Allah, Azzawajal prend comme leader quelqu'un qui a des problèmes dans l'Aqida. Il les appelle des imams, et ce sont eux leurs mashaïkh. Ils ont des catastrophes dans l'Aqida. Des fois, leurs erreurs, c'est un danger pour la religion. Comme vous allez le voir après. Dans ce qu'elle va citer, Cheikh Hafidhallahu Ta'ala, dans les erreurs de certains emblèmes de ces groupes. ومع أن أخطاء هؤلاء في العقيدة بل بعضها يهدم الإسلام كمن يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن يزعم أن دعوة أصحاب الأضرحة والاستغاثة بهم تذوق ومن يثني على الطريقة الرفاعية ويقول إن المنتمين إليها يضرب أحدهم بالشيش من ظهره حتى يخرج من صدره فلا يضره سبحان الله النبي الكريم وخاتم الرسل عليهم الصلاة والسلام وأفضل الخلق عند الله وأقربهم إليه وسيلة وأعلاهم عنده مقالا يضرب يوم أحد على رأسه فتغوص حلقة المغفر في وجنتيه فسال الدم وقال كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. Alors que les erreurs de ces emblèmes sont énormes dans l'Aqida. Et Cheikh Najmi dit, certaines erreurs détruisent l'islam. complètement comme celui qui demande secours à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et comme celui qui prétend que le fait de demander aux morts et à ceux qui sont enterrés dans les mausolées et de leur demander secours et aide, ceci c'est un goût, tadawuk, comme dit Sophia. Et comme ceux qui font l'éloge d'Yal Tariq à la voix d'Yal la secte Rifa'it, et il dit que ceux qui appartiennent les Rifa'it, parmi eux certains, on les poignarde avec une lance de fer, de dos, et ça sort de leur poitrine, et ça ne leur fait rien du tout. Subhanallah. Poignarde quelqu'un avec une barre de fer, de dos, et ça sort de sa poitrine, il n'y a rien. Comment ça, il n'y a rien? Et celui qui dit ça, c'est un théoricien du groupe. Six livres, c'est une référence, c'est le groupe, comme vous allez le voir. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte chez ici, le meilleur des messagers alayhi wa sallam, la plus noble des créatures d'Allah azza wa jal, et le plus proche d'Allah azza wa jal, et le plus élevé chez Allah azza wa jal, le jour de Houd, il se fait frapper sur l'armure qu'il avait sur la tête. Et c'est là, un morceau rentre dans son visage et dans son front et ou dans sa joue, il fait couler le sang sur son visage, alors qu'il est le prophète d'Allah Azza wa Jal. Il est la plus noble des créatures d'Allah Azza wa Jal. Ou Hadou, on les poignarde, on les frappe dans leur dos, jusqu'à ce que la barre de fer traverse leur poitrine, et ça fait rien. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, reçoit un coup sur l'armure qu'il avait sur la tête, et ça le blesse, et le sang coule sur son visage. Il immacule son visage et sa barbe. Et il dit, salawatur pi wa salamu alayhi, comment réussira un peuple qui fait couler, qui fait immaculer le visage de son prophète avec le sang? Et là, il y a la révélation d'Allah, Azza wa Jal dans surat al-Imran qui lui dit, rien ne t'appartient. Ou il va leur pardonner, ou alors il va les châtier s'ils sont injustes. Yarhamukallah. فانظر هذه التخريفات تناء على ما يفعله المنتمون إلى الطريقة الصوفية الرفاعية وهذه أحوال شيطانية مع أن الكفار الهندوس يفعلون أكثر من ذلك وهذه الخوارق تعينهم عليها الشياطين مما لا شك فيه وقال ces éloges qu'il fait هذا سعيد حوا c'est un des grands شيخ Il fait les éloges à Ar-Rifa'iyya. Alors que ces actes, même les mécréants hindouistes, arrivent à faire des choses plus que ça encore. Les aident pour cela qui? Shayatin, il n'y a aucun doute. Comme il a dit l'un de nos imams, si tu vois un homme voler dans le ciel, ramène ses actes vers le livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète, si ça correspond, ben ça c'est un bienfait avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé. C'est quelque chose d'innaturel avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala comble cette personne. Mais si ses paroles, ses actes sont en divergence avec la parole d'Allah, Zawajal, et la sunna du prophète alayhi salatu salam, sache dans ces cas-là que je suis un shaitan. Point final. Affaire est close. Nous avons des bases qu'il faut revenir. Allah a dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, la voix du compagnon décrète que les choses sont ainsi. أما أصحاب الطريقة الرفاعية فيضرب بالشيش في ظهره حتى ينفد من صدره فلا يضره هذا منطق داعية ومؤلف ومنظر أو منطق شيطان مضل يريد أن يضل الناس يفضل أصحاب الطرق المنحرفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا أين الغيرة على التوحيد من هؤلاء الذين درسوه منذ نعومة أظفارهم وإن الولاء والبراء الذي هو مؤن أسس الإيمان وقواعده حتى نفى الله عز وجل إيمان عمن يوالي أعداءه ويوادهم وأتوقع أن الذين يعتنقون المنهج الإخواني سيقولون أن الذين نتولاهم من خيرة المسلمين فقد بذلوا جهدا مطنيا في الدعوة إلى الله فوقفوا في وجه المد الشيوعي الناصر رغم ما لاقوه من تعذيب وقتل وتشريد. وأقول، يقول الشيخ حفظه الله تعالى، إن أي دعوة لا تكون مبنية على الأسس والقواعد التي سنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهي غير مرضية عند الله عز وجل حسب ما علمنا من شرعه المطهر الذي جاءت به المصادر الشرعية من كتاب وسنة. وقد قال عز وجل منوها بذلك في كتابه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. كنت شيخ دو ندير كنت زادف ديال الطريقة ديال السكت رفاعيت كان parmi eux se fait frapper du dos et que ça sort de sa poitrine et que cela ne lui fait aucun mal. Est-ce que ça c'est la logique de quelqu'un qui appelle vers Allah Azza wa Jal? Est-ce que ça c'est la logique de quelqu'un qui écrit et qui est un théoricien d'un groupe? Ou alors ça c'est le point de départ d'un shaitan qui égare et qui veut égarer les gens, qui met au devant les adeptes d'une voie égarée qui est Rifa'iyya, qui est égarée de la voie du prophète alayhi salam, il les met en avant du prophète alayhi salam. Et cherche de lui dire où il est l'enthousiasme pour la religion, où il est l'enthousiasme pour le monothéisme, où il est la jalousie pour ce monothéisme de ceux qui l'ont étudié, qui ont étudié ce monothéisme depuis qu'ils sont petits. Et où il est l'alliance et le désaveu, qui est l'une des bases de la foi, une des règles de la foi, à tel point que Allah subhanahu wa ta'ala a fait, a nié la foi de ceux qui s'allient avec ses ennemis, et qui les prennent comme, qui les aiment, qui les rapprochent. Et il dit, et dont le fait de l'alliance, de s'allier avec les ennemis de l'Azza wa Jalla, il y a un grand détail. Vous n'allez pas croire que Cheikh Najmi les rend mécréants. Loin de là, il y a un grand détail à faire dans la situation. D'Al-Wala ou al-Bara. Il dit, je suppose que ceux qui sont adeptes de la voie d'Al-Ikhwan, ils vont dire que ceux avec lesquels on cherche alliance font partie des meilleurs de la communauté de l'Islam. Car ils ont fait beaucoup d'efforts dans Da'wah ila Allah, ils ont résisté, ils ont combattu le communisme nasserite, c'est-à-dire le combat qu'ont eu les frères musulmans devant Jamal Abdel Nasser et le gouvernement de Jamal Abdel Nasser. Mais ce n'est pas un combat pour faire triompher la religion de l'Allah, comme nous l'avons vu, c'est un combat pour le poste. Nous l'avons vu avec la série du cours sur écoute pour ne pas dévier la deuxième série. Et il dit, ceux-là, ils disent, nous sommes alliés aux meilleurs des musulmans parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts dans Da'wah ila Allah, ils ont résisté, ils se sont opposés au communisme nasserite, et ils ont été éprouvés, ils ont été châtiés, parmi eux il y a certains qui sont morts, et ils ont été éparpillés à travers les pays musulmans. Cheikh Hafidhahullah Ta'ala de dire, et je dis, toute Da'wah qui n'est pas basé sur les fondements et les règles qu'a instauré Mohammed a.s., c'est une da'wah qui n'est pas agréée, qui n'est pas acceptée. Selon, il dit cher, selon ce que nous avons connu de la législation pure d'Allah Azza wa Jal, qui est dans les sources de cette législation, qui sont le livre d'Allah Azza wa Jal et l'authentique de la sunna du prophète a.s. Allah subhanahu wa ta'ala dit de son prophète, alayhi salam, faisant l'éloge du prophète, alayhi salam, dit au Muhammad, dit ça c'est ma voix, j'appelle vers Allah, avec science, clairvoyance, moi et ceux qui me suivent. J'appelle vers qui? Vers Allah. Monothéisme, base de départ. فَالضَّمِيرُ فِي قُلْ يَعُودُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قُلْ يَا مُحَمَّدْ هَذِهِ سَبِيلِي هَذِهِ طَرِيقِي. فالإشارة إلى ما كان يسير عليه في دعوته وهي طريقته التي مشى عليها في دعوته حيث دعا إلى نبذ جميع الآلهة التي تعبد من دون الله أو تعبد مع الله كما كتب الشيخ التي تعبد مع الله. Donc le pronom dit, il revient au prophète عليه الصلاة والسلام, dit au Muhammad, ça c'est ma voix. Et le pronom qui montre la voie, va faire la voie, cette voie unique. Cette voie sur laquelle était le prophète, alayhi salatu wasalam, dans sa da'wah. Cette voie sur laquelle était Mohammed, alayhi salatu wasalam, dans sa da'wah. Puisqu'il a appelé dans cette voie à quoi? Au monothéisme. Le fait de réserver le culte exclusivement à Allah, azza wa jal. Et le fait de délaisser tout ce qui s'adore en dehors d'Allah, azza wa jal, et avec Allah, azza wa jal. قال ابن جرير رحمه الله إمام المفسرين في تفسير هذه الآية يقول تعالى ذكره لنبي محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته سبيلي وطريقتي ودعوتي أدعو إلى الله وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين علم مني أنا ومن اتبعني ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمر بي. هذا من تفسير الطبري, نقله الشيخ من تفسير الطبري في الجزء الثالث عشر. Et Cheikh de nous citer ici une parole de Ibn Jarir, Tabari rahmatullah, qui est l'imam et le prince des exégètes du Coran. Dans son tafsir, au troisième tome, il dit, Hafidhahullah ta'ala, rahimahullah ta'ala, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète Muhammad alayhi salatu wasalam, dit, ô Muhammad, ça, c'est da'wah vers laquelle j'appelle, et cette voie sur laquelle je suis, donc, qui est le fait d'appeler vers le monothéisme, et de accomplir l'adoration sincèrement pour Allah Azza wa Jal, et de réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal, en dehors de tout ce qui s'adore en dehors d'Allah Azza wa Jal, et d'arriver à obéir à Allah, et à délaisser la désobéissance à Allah Azza wa Jal, ça c'est ma voie. C'est-à-dire que Mohammed alayhi salatu wasalam, il dit, dis-leur, ça, la voie sur laquelle je suis, c'est une voie qui appelle vers le monothéisme, vers l'obéissance à Allah Azza wa Jal, et vers le fait de délaisser l'associationnisme et la désobéissance à Allah Azza wa Jal. Et ma voie, et ma da'wa, comment il se fait? J'appelle vers Allah. J'appelle pas vers le groupe. J'appelle pas vers les principes du groupe. Là, j'appelle vers Allah uniquement, sans associer. Monothéisme complet, pur. Sincérité pour Allah Azza wa Jal. Avec certitude, ala basiratin, science et certitude qu'on sait de moi. Qu'on sait de Muhammad alayhi salatu wasalam. Il est sur la certitude. Il appelle avec science. Moi et ceux qui me suivent. Moi et ceux qui appellent avec moi et ceux qui me suivent sur cette voie-là. Hein? Ils appellent aussi Allah Azza wa Jal, vers Allah Azza wa Jal. Et vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal, vers le fait d'obéir à Allah et de ne pas désobéir à Allah Azza wa Jal, avec science, avec certitude. Hein? Moi et ceux qui me suivent, et ceux qui ont cru en mon message, ceux qui ont cru en moi, ceux qui ont pris comme véridique ce que je leur ai révélé, et les orientations et les enseignements que je leur ai donnés. Hein? Et donc tous ceux qui agissent ainsi, mais sont sur la même voie que Mohammed alayhi salatu wasalam. فتبين من هذا أن الإشارة إلى الطريقة التي سار عليها في دعوته صلى الله عليه وسلم من نبذ جميع الآلهة التي تعبد مع الله عز وجل, فمن اتخذ لنفسه طريقا غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فتغاضى عن الوثنية القائمة وظن أن من يتطوفون بالأضرحة ويذبحون لها ويدعون أصحابها معتقدين فيهم القدرة على ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فاعتقد أنهم مسلمون, فإن دعوته هذه باطلة من أساسها ومردودة عليه. دليلنا على ذلك قول الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلنا عليهم حفيظا, وقوله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله, إن أول شيء يجب أن يطاع فيه هي طريقة الدعوة إلى الله. وكم في القرآن من آيات عالجت الشرك وفندت مزاعم المشركين وبينت بطلانها. Le Cheikh de nous dire, nous apparaît clairement que dans la démonstration le fait de montrer la route et la voie sur laquelle était Mohammed alayhi salam, et la voie qu'il a laissée derrière lui, que c'est une voie qui appelle à délaisser tout ce qui s'adore en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et celui qui prend un chemin autre que le chemin du prophète alayhi salam, et qui ferme les yeux sur l'associationnisme qui s'accomplit devant lui, et qui croit que ceux qui tournent autour des tombes, et qui égorgent pour les tombes, et qui appellent et qui demandent de secours aux tombes, et qui croient ont la capacité, et que ces gens-là qui sont des tombes font les choses que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire, et ils croient qu'ils sont musulmans, sa da'wa est fausse. Sa da'wa n'a pas de base. Sa base est fausse. Et il est rejeté. Et il dit notre preuve pour ça, c'est dans Sourate An-Nisa, verset 80, le verset 2 dit, celui qui obéit à Rasoul, il a obéi à Allah. Et celui qui se détourne, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète Al-Sin, on ne t'a pas envoyé pour les préserver. Hein? Donc celui qui obéit à Rasoul, oubliez Allah. Hein, le point, le témoignage. Et donc, si on n'obéit pas à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans la da'wa, dans le fait d'appeler au monothéisme, c'est-à-dire qu'on n'a pas oublié Allah, Azza wa Jal non plus. Parce que ça découle de soi. Et aussi, il a dit, il levait l'autre verset dans Sourate Nisa qui dit, chaque fois que nous avons, et tout messager que nous avons envoyé, c'est pour qu'ils s'adorent, pour qu'ils soient oubliés avec l'ordre d'Allah. On oublie à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi? Parce que Allah, il l'a ordonné. Et donc, tout messager qui est passé, l'ordre qui est venu min Allah, c'est d'obéir à son messager. Pourquoi? Parce que l'obéissance à ce messager, c'est l'obéissance à Allah. Et le fait d'être en divergence avec le messager, c'est la désobéissance à Allah, azzawajal. Et la première des choses dans laquelle il faut obéir au messager, c'est la voie de la da'wa ila Allah, azzawajal. Et combien il y a dans le Coran de versets qui parle de ceci qui attire notre attention sur le monothéisme et sur l'appel des messagers à l'Aïm, et que la priorité des priorités vers laquelle ils ont appelé, c'est le monothéisme. Et combien dans le Coran sont les versets qui anéantisent et qui combattent l'associationnisme et qui nous montrent le faux de l'associationnisme et de toute da'wa qui est basée sur l'associationnisme. وهو أحد أقطاب الصوفية القائلين بوحدة الوجود وتغاضيه عن الأضرحة القائمة في مصر بل ومحاضرته في بعضها وتبنيه لدعوة التقريب بين أهل السنة والشيعة لا أعظم دليل على أن دعوته بعيدة كل البعد عن نهج النبي صلى الله عليه وسلم بل يجب أن نقول إنها مناقضة لها وسأنقل في المآخذ على الإخوان ما يبين ذلك يلدي لفتك Hassan al-Banna, le fondateur de la voix de l'Ikhwan al-Muslimin, fait des éloges à la secte marghanite. Et al-Marghani, l'un des pôles de cette secte, Sofi, qui croit en l'unicité de l'existence, c'est-à-dire le mur et Allah, c'est la même chose. L'ayadan billah. Et le fait que Hassan al-Banna ferme les yeux sur les mausolées qu'il y a à travers l'Égypte, et que même il va dans certains lieux dans lesquels il y a des mausolées, et il donne des conférences. Et le fait qu'il appelle vers le rapprochement entre sunna et shia, cela prouve, dit Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, que sa da'wa est loin de la voie de la sunna, de la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit, il faut que nous le disions, sa da'wa est incompatible avec la voix du prophète alayhi salam, quand il dit, je veux vous le prouver par ses paroles et par ses écrits. C'est pour ça, ne t'étonne pas maintenant quand tu entends le Ghazali qui dit qu'il faut se rapprocher entre Shia et Sunna, ou l'Al-Qardawi qui appelle à ça, ils disent, j'ai des amis chiites, etc. D'où ils le tiennent? Le fondateur. C'est pour ça que le fait d'étudier la biographie des fondateurs, des groupes, est très important, parce que ça te montre l'influence qu'il a sur ses disciples. Et que les choses que disent ses disciples, ou que propagent ses disciples, c'est déjà lui, ce sont ses principes à lui. C'est pour ça qu'il ne faut pas croire que c'est une perte de temps que le fait Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala de nous remonter à la source d'Yel Ikhwan ou là de nous remonter à la source d'Yel Tbligh et autres. Là, loin de là. Et en plus de ça, il va ramener tout avec les preuves de leurs paroles. Et il va citer les preuves comme quoi ceci est non avenant de la parole d'Allah, de l'authentique de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وأخيرا يقول الشيخ فإن إقرار الوثنية أمر يهدم كل عمل ويجعل كل جهد ولو كان محاربة للشيوعية غير مقبول عند الله لأن الله لا يقبل من أعمال العباد إلا ما كان خالصا له صوابا على طريقة نبيه صلى الله عليه وسلم قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فهل فهم هؤلاء أنهم قد أعطوا قيادهم لمن لا يجوز أن يعطوه له وبالله التوفيق أن يعطوه له وبالله التوفيق يا لا فين دي dans ce dernier paragraphe qui nous montre les points néfastes il y a le sectarisme il dit le fait d'approuver le watani à l'adoration d'autres qu'Allah Azza wa Jal, c'est quelque chose qui détruit la religion, et qui détruit tout acte, et qui détruit tout effort que la personne aura fait, même si la personne a combattu le communisme. Ben, ces actes ne sont pas acceptés du moment qu'il approuve l'associationnisme. Car tout acte chez Allah Azza wa Jal n'est agréé que s'il est sincère pour Allah Azza wa Jal, et s'il est fait selon la voie de Muhammad alayhi salam. Dalil, c'est la fin de Surat al-Kahf, où le verset nous dit, celui qui espère en la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse une bonne œuvre. La bonne œuvre, c'est quoi? C'est le suivi de Muhammad alayhi salam. Et qu'il ne fasse d'associer aucunement à Allah Azza wa Jal. Donc, sincérité est suivie pour que l'acte soit valide. Est-ce que ceux-là, ils ont compris? Ceux, les adeptes d'Yel Ikhwaniya et autres, est-ce qu'ils ont compris qu'ils ont donné leur raison et qu'ils suivent et qu'ils sont gouvernés par des gens auxquels qu'ils ne doivent pas suivre, qu'ils ne doivent pas laisser les gouverner. Et il dit Allah subhanahu wa ta'ala appartient à l'accomplissement. Fayaqulu hafidhan fa l'ikhwa al-muflisul an fi al-mamlaka fi ghayr al-mamlaka hal fahimu annahum a'tau qiyadatahum لمن لا يجوز أن تعطى له أعطوا قيادتهم لرؤوس الإخوان في مصر والشام وقطر وغيرها وفيهم الصوفية والأشعرية والمنحرفة والدليل على هذا الرسائل والكتب التي بأيدي الإخوان في شتى أقطار العالم رسائل الإخوان في مصر والشام وقطر رسائل البنا وقطر وناصح علوان وفتح يكن وسعيد حوا والقرضاوي والغزالي وزد لهؤلاء الفرنسيين المفرنسين الطارق رمضان وغيره وكويسان وهذه هي مراجع الإخوان في العالم وأخيرا ظهر الإخوان الكويتيون المهلهل والبلالي وأحمد الخطان وكتبوا رسائل وانتشرت أيضا وسجلوا أشرطة وانتشرت أيضا إذن من يوجه ويغدي ويربي الإخوان في العالم أولئكم الإخوان في مصر والشام وقطر وهل تجد في كتبهم تقريرات سلفية سنية كما في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهم ومحمد بن عبد الوهاب والألباني وابن باز والشيخ ربيع والشيخ العباد والشيخ الفوزان حفظهم الله تعالى في الحقيقة أن الإخوان المسلمين إخوان المفلسون سلموا أنفسهم وعقولهم وقلوبهم لمن لا يستحق لمن لا عقيدة صحيحة له كيف تجعله شيخك وإمامك وأميرك وتقرأ له وتتبع له وتتبعه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Les frères musulmans à travers l'Arabie Saoudite et à travers le monde entier, est-ce qu'ils ont compris qu'ils ont donné leur gouvernorat à ceux qui ne méritent pas de les gouverner? Ils ont donné ils ont mis à leur tête, ils ont pris comme leader des têtes, les têtes d'Yel Ikhwan en Égypte, les têtes d'Yel Ikhwan en Syrie et en Jordanie, les têtes d'Yel Ikhwan au Qatar. Et cela ne mérite pas de gouverner cette, la communauté de l'islam. Et dans ces groupes-là et dans ces têtes-là, il y a Sofi qui baigne au fin fond du sophisme. Il y a l'Ash'ari qui reconnaît que cette sifat à Allah, Azza wa Jal. Il y a les déviés. Et il y a. Et la preuve sur ça, ce sont les livres qu'il y a entre les mains d'El Ikhwan à travers le monde. Les livres qu'il y a entre les mains d'El Ikhwan, ce sont des livres qui viennent les têtes en Égypte et de Jordanie et de Syrie et de Qatar. Et il n'y a pas longtemps sont apparus les frères musulmans d'El Koweït. Vous avez les lettres, les livres d'El Benna, les livres de Qutb, Nasih Alwan, Fathi Yakin. Parmi ceux-là, ceux qui ont été traduits comme les livres de Fathi Yakin, certains livres de Nasr al-Alwan ont été traduits en français, même certains de Qutb. Hein? Mais il ne faut pas les lire. Les livres d'El Saïd Hawa, les livres d'El Qardawi, les livres d'El Ghazali, et pour les francophones, les livres d'El Tariq Ramadan, et les livres d'El Hassan Kussan, et autres. Parmi les sources d'El Ikhwan à travers le monde. Et il y a aussi Hadou, le Mouhalhal ou le Bilali et Ahmed al-Qattan qui sont apparus dernièrement au Koweït et dont les livres sont propagés à travers le monde ainsi que leurs cassettes. Maintenant, qu'est-ce qui nourrit l'esprit et la pensée d'El Ikhwan à travers le monde? Qu'est-ce qui éduque la jeunesse Ikhwan à travers le monde? Ce sont les frères d'Égypte, ce sont les frères d'El Sham, ce sont les frères Ikhwan d'El Qatar. Et est-ce que dans leurs livres tu trouves, hein? Des trucs qui ont été approuvés par Salaf Ridwallah alayhim. Des paroles sunnites. Des paroles salafistes. Comme il y a dans les livres de Cheikh l'Islam de Taymiyyah, ou Cheikh l'Islam de Al-Qayyim, ou Cheikh l'Islam Mohamed Nam, Luhab, ou Cheikh l'Islam Al-Albani, rahmatullah alayhim, ou Cheikh l'Islam de Baz, rahmatullah alayhim, ou Cheikh l'Islam de Taymiyyah, rahmatullah alayhim, jami'an, ou là, le Mashaïk comme Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, ou là les paroles d'Yel Cheikh Rabé, ou là d'Yel Cheikh Al-Fawzan, ou là d'Yel Cheikh Abdel Aziz Al-Cheikh, rien de tout ça. Mais par contre, des paroles d'Yel les théoriciens et des politiciens. En réalité, les frères musulmans, ils sont gouvernés par des gens, ils ont donné leur raison et leur cœur à des gens qui ne le méritent pas, à des gens dont la aqida est fausse, dont la aqida est loin de la voix du puiseur d'Allah Alim, de la aqida de nos puiseurs d'Allah Alim. Comment quelqu'un qui baigne dans Sophia, tu peux faire de lui qu'il te gouverne. Comment tu peux te laisser gouverner par quelqu'un comme ça? Quand tu le suis aveuglément, tu lui laisses libre, hein, et que tu ne sors pas de ce qu'il décrète. Fayaqulu min masawi' al-hizbiyya amr sadis wa idha kanat al-hizbiyya sababan lil-furqa lil-firqati wal-furqa awwal ma'wal yadhribu fi wahdati al-umma wa tamasukiha fa inna ta'addud al-ahzab سبب في تعدد مناهجها الفكرية وتعدد المناهج الفكرية سبب في اضطراب الأحزاب والاضطراب سبب في الهزائم التي تحل بالمسلمين وهل يمكن لأمة منقسمة على نفسها أن تصمد أمام العدو؟ Et le sixième point, le sixième erreur chez le sixième point néfaste chez l'Hizbiya, c'est que l'Hizbiya est une cause de la division, est une cause qui augmente les groupes dans la communauté. Et qui frappe et qui fracasse l'unicité de la communauté. Hein? Car le fait d'avoir beaucoup de partis, qu'est-ce qu'il fait? Dans ce cas-là, il y a beaucoup de voix, beaucoup de pensées, beaucoup de principes fondamentaux. Donc ça casse la communauté. Et ça crée des perturbations. Et ça perturbe, même l'Ahzab, les partis sont perturbés entre eux. Tellement d'idéologies autour. L'idéologie de ce groupe-là ne correspond pas à celui-là, etc. Et le fait d'être perturbé, c'est une des causes qui a ramené la faiblesse de la communauté. Est-ce que la communauté soit affaiblie? Et est-ce qu'il sied, est-ce qu'une communauté qui est divisée sur elle-même peut résister à l'ennemi? Impossible. سابعا من مساوئ الحزبية من مضار الحزبية أن أداء الشعائر التعبدية المأمور بها شرعا يتحول الأداء فيها من واجب تعبدي إلى واجب حزبي فيخدش الإخلاص إن لم يهدمه ويكون الملاحظ في الأداء هو إرضاء الحزب لا إرضاء الله. Le septième point néfaste dans l'Hizbiya, il fait partie du mal du sectarisme, c'est que certains actes que nous devons accomplir comme actes d'adoration, Allah Azza wa Jalla comme da'wa ila Allah, qui est ordonné dans la législation, se transforme ou mise en application, au lieu que ce soit une obligation au niveau de l'adoration, il devient une obligation du secte, de la secte. Et dans ces cas-là, ça dénigre la sincérité. S'il ne la détruit pas complètement. Et ce qu'on va observer au moment d'accomplir cet acte, ce n'est pas l'agrément de l'Allah Azzawajal, mais c'est l'agrément du parti et des leaders de parti et autres. Et donc dans ces cas-là, la sincérité va prendre un coup. Thaminan, annahu idha amara al-qa'id al-hizb bil-hirsi ala ayyi 'amalin mustahab wa akada 'alayh balagha at-tabi'un hatta yuhawwiluhu ila wajibin فيصير المستحب واجبا عند المتحزبين فيه وبذلك يكونون قد جعلوا له حكما غير الحكم الشرعي الذي وضعه الله ورسوله. Huitième point néfaste dans le sectarisme, c'est quand le leader du hizb te donne un ordre de faire un acte et fait d'un acte qu'il est préférable de le faire et qu'il le recommande fortement, les disciples exagèrent dans la mise en application de cet acte jusqu'à ce qu'ils fassent de cet acte que c'est une obligation. Que ça devient une obligation, c'est les disciples. Et ainsi, il lui donne une législation, une sentence, autre que la sentence qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée et son messager alayhi salatu wassalam a donné. Tasi'an wa akhiran, wa min wasa'il min wasa مساوئ الحزبية الانقسام فربما انقسم الحزب إلى حزبين أو أحزاب كما يقال عن الجرثومة أنها تنشطر ثم الشطر ينشطر وهكذا. أما الجماعة السلفية أتباع السنة المحمدية فهم ما زالوا منذ بزوغ فجر الإسلام على عقيدة واحدة إلى يومنا هذا. أما الاختلاف في الفروع فهو أمر مسلم به وقد حصل بين الصحابة والتابعين ولم يؤدي إلى خلاف ولا تباغض ولا تناحر ولا تقاتل. فافهم رعاك الله وحماك من شر الحزبية ووفق للأخذ بالطريقة السلفية فهي النجاة. نسأل الله أن يثبتنا عليها حتى نلقاه ونحن إمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجه واقتفى أثره من أئمة الهدى وحملة الحديث رضي الله عنهم أجمعين. إلى نفيان بوان parmi les derniers points qu'il cite cher dans les points néfastes dans le Hizbiya, c'est que le Hizbiya elle-même se divise et se morcelle. Parce que le Hizb est divisé en plusieurs parties. Regarde combien de Hizb, combien de parties est sorti de Jamaat Ikhwan al-Muflisun. Comme un microbe qui se divise sur lui-même. Ou bien le microbe, il donne deux microbes après. Hakada, pour les parties. Mais quant à la jama'a d'il salaf, ceux qui suivent Mohammed, ils sont depuis l'aube de l'islam, et ceci jusqu'à la fin des temps, ils sont sur le même dogme, sur la même voie jusqu'à nos jours. Et ils resteront ainsi, même s'il y a des divergences dans des détails de la jurisprudence. Ça, même les compagnons d'Allah alayhim étaient dedans, dans ces divergences. Mais ceux-là, que ce soit les compagnons, ou que ce soit ceux qui les suivent à la perfection dans les divergences au niveau de la jurisprudence, ça n'a pas amené la haine, ni à se diviser, ni à se constituer en partie, mais ils sont restés un seul bloc. Et tu dois comprendre ceci, barakallahu fik, pour que tu sois épargné du sectarisme et du mal du sectarisme. Et tu dois mordre sur la voie d'El Salaf Radhiallahu Anhum avec tes molaires. Hein? Et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te garde sur cette voie-là. Et que tu termines ta vie sur cette voie-là. Car c'est la voie de Muhammad alayhi salatu wassalam et ceux qui les suivent à la perfection. Wa huwa kama qala hafidhahullahu ta'ala. أن الدعوة السلفية لم تزل دعوة واحدة وأمة واحدة إلى اليوم. قد يقول قائل رأينا بعض السلفيين قد تفرقوا وانشطروا والسلفية نفسها انقسمت. إسكي لدي الشيخ حفظه الله تعالى السلفية إلي غستي إن دعوة أونيك دوبي لوب دو الإسلام إن كومينوتي أونيك دوبي لوب دو الإسلام جسكا نو جور بدت كو سيغتان زيد نو زافون في كو لي سلفي سو سون ديفيزي سيغ أومام إك السلفية سي ديفيزي. فالجواب على هذه الشبهة أن السلفية لم تنقسم. كيف تنقسم وهي دين الله الحق وهي منهج المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ فهي كتاب ربنا وسنة نبينا بفهم ونهج السلف الصالح لهذه الأمة. من أرادها غضة طرية فهي موجودة كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه لأصحابه إن العلم والإيمان من أراده موجود فالتمسوا العلم عند أربعة. فأشار إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه وإلى أبي الدرداء وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن سلام رضي الله عنهم. Pour répliquer à cette ambiguïté qui est que la salafie s'est divisée ou que la salafie ne s'est jamais divisée. Comment la religion vraie d'Allah Azzawajal va se diviser? La salafia, c'est la religion qui est basée sur le livre d'Allah Azzawajal, l'authentique de la sunna du prophète alayhi sallam, et la voie et la compréhension des plus ailleurs d'Allah alayhi, qui sont les compagnons, ceux qui les suivent à la perfection. Celui qui la veut, il est toute fraîche. C'est une voie qui existe, il est toute fraîche. Comme il a dit Mu'ad ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu arda, l'ilm, la science et la foi, celui qui la veut, ils sont présents. Ils sont là, ils existent. Et il a dit, cherchez la science, c'est quatre, chez Salman al-Farisi. C'est Abu Darda, Abdullah ibn Mas'ud, ou Abdullah ibn Sallam, radiyallahu ta'ala, al-Mu'arda. Yaqulu li ashabi, al-ilmu, wal-imanu mawjoud, khuduhu min al-ulama, wa ashara ila awla'i al-arba'a. Fakadalika s-sennatu, fakadalika s-salafiyatu, wal-sunnatu mawjouda, khuduha an il-ulama, ta'allamu, wada'u ulaika al-ladina, أولئك الذين شنشنوا وتفرقوا وتشتتوا هؤلاء ليسوا من السنة في شيء الذين تفرقوا واختلفوا ليسوا من السنة في شيء وليسوا من السلفية في شيء donc Abu Darda هذا معاذ بن جبل dit à ses compagnons prenez la science des hommes de science et il a désigné ceux qui étaient présents autour de lui ainsi il en est de même de la salafia et de la sunna il existe prenez-la des hommes de science apprenez chez les hommes des sciences, et délaissez ceux qui se sont divisés sur lui-même, ceux qui se sont constitués en groupe, délaissez-les. Ils n'appartiennent pas à la sunna, ou rien du tout. Ceux qui se sont divisés et qui ont divergé avec la voie du prophète alayhi salam ne font pas partie de la sunna. Ils sont loin de la sunna. C'est pour ça, « وَلِذَلِكَ يَقُولُ عَزَّ وَجَلْ إِنَّ الَّذِينَ فَارَقُوا دِينَهُمْ وفي قراءة فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui sont sortis de leur religion sont en divergence avec leur religion et dans une autre lecture ceux qui ont divisé leur religion ils se sont constitués en groupe ceux-là tu ne fais pas partie d'eux leur situation revient à Allah azza wa jal فالذين فارقوا السلفية وأصبحوا حربا عليها وتفرقوا وتعصبوا وتشرذموا وتكتلوا وأصبحوا أحزابا يضرب بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ويرمي بعضهم بعضا بالعظائم ويلعن بعضهم بعضا فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء هؤلاء ما ينسبون للسلفية ولا للسنة هؤلاء ركبوا رؤوسهم هؤلاء عاندوا الحق وأصبحوا حربا على أهل الحق هؤلاء ليسوا من السلفية في شيء كنت السوكي السسون qui ont quitté la salafia, qui ont délaissé la salafia, qui se sont constitués en groupe, et qui sont devenus des ennemis de la salafia, qui se sont divisés, qui se sont sectarisés, et qui se sont constitués en petits groupes, ceux-là se sont devenus des partis qui se combattent les uns les autres, et qui maudissent les uns les autres. Et certains parmi eux se traitent de choses, a'oudou billah, et ils se maudissent les uns les autres. Et ceux-là n'appartiennent pas à la salafia. Ils n'appartiennent pas à la sunna. Ils sont loin de la sunna et de la salafia. Car ceux qui ont divisé leur religion et qui se sont constitués en groupe, ce ne sont pas des salafis. Ils n'appartiennent pas à la salafia. Et ceux qui sont les ennemis de la salafia, qui combattent la salafia, ils sont loin de la salafia. فإياكم أن تغتروا عندما تسمعون الشائعات السلفيون اختلفوا السلفيون تفرقوا لا ثم لا والله وتالله وبالله السلفية لا يمكن أن يتفرق أتباعها ولكن هؤلاء عاندوا وأصروا على الباطل وقد نصح كثير منهم وبين لهم الحق فلم يستجيبوا أخذتهم العزة بالإثم وأصبحوا حربا وشؤما على أهل الحق والحمد لله دين الله موجود والسلفية موجودة وعلماء السلفية موجودون وعلماء السنة موجودون والذي يخالف ويعاند ويشاقق والله ما يضر إلا نفسه كما قال عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا الذي يتخلى عن السنة ويعاند السلفية ويحارب السلفيين هذا والله لن يضر إلا نفسه ولن يضر السلفية بشيء فهو الذي سيهلك فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم وأن يجعلنا من المتمسكين بهذا المنهج الرباني منهج السلف الصالح وأن لا يجعلنا يوما من الأيام ننقلب على هذا المنهج أو ننقلب على مشايخ هذا المنهج وعلمائه donc il faut pas se faire avoir il faut pas se faire avoir par ceux par cette ambiguïté quand on entend ces ambiguïtés et cette propagation ce qu'on propage, que les salafites se sont divergés et se sont divisés. Par Allah, la salafia ne s'est pas divisée. Par Allah, la salafia ne se divise pas. Par Allah, les disciples de la salafia ne se divisent pas et ne vont pas se diviser. Et ceux qui sont sortis de la salafia, ceux-là, ce sont des entêtés qui ont fait passer leur passion avant la voix du puiseur d'Allah Alim. Ils se sont entêtés sur le faux. Ils ont été conseillés, reconseillés par les hommes de science. Et on leur a montré, les hommes de science leur ont montré la vérité. Mais l'orgueil les a pris. L'orgueil les a pris. Ils sont devenus des ennemis de la salafia. Ils combattent les gens de la vérité. Ils louangent à Allah, la religion d'Allah Azza wa Jal, qui est la salafia, est présente. Et ces hommes de science sont présents. Ils sont là. Et celui qui est en divergence avec elle, il ne cherche que sa perte à lui-même. C'est lui qui va se perdre. C'est lui qui va périr. Et non pas salafia. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans ce verset, Muhammad certes est un messager parmi les messagers. Et les messagers sont passés avant lui. S'il meurt ou s'il a été assassiné, vous retournez sur vous-même. Islam. Hein? Et celui qui se retourne sur lui-même ne va faire du mal qu'à lui-même. La salafia, il est là. Les emblèmes de la salafia, il est là. Les défendeurs de la salafia sont là. Il la défend et appelle vers la salafia. Demandons à Allah, Azza wa Jal, qu'il fasse que nous et vous, nous finissons notre vie sur cette voie de nous puiser d'Allah Alim. Et que nous ne retournerons pas. Et que nous ne soyons pas dans une voie contraire à la voie de nos puissants, d'Allah alayhi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum. Wa jazakumullahu khairan.